sont de plus en plus nombreux à penser qu'il y a une autre alternative à la mondialisation, à la finance, au gaspillage énergétique, à la malbouffe. Beaucoup croient en un monde où l'intérêt de l'humain serait enfin au centre des préoccupations. On les appelle les alternatifs. Justement, cela tombe bien, tous les premiers mercredis du mois de 19h30 à 20h, Hugo et Christian de l'association Rencontres Citoyennes vont vous faire découvrir des associations, des expériences qui vont dans ce sens. Ils sont donc avec nous aujourd'hui. Salut Christian, salut Hugo. Tout d'abord, quel est le concept de cette émission? Salut. Bonjour. Salut. Bon bah oui, on va attaquer. Salut Christian. Salut. Bonjour. La crise serait une fatalité. On entend sans cesse qu'il n'y a pas de solution en dehors de plus de croissance et plus d'austérité, plus d'exploitation des ressources énergétiques fossiles de la planète. Pourtant, pas mal pensent le contraire et se battent pour un autre monde sans argent, roi ni frontières. Ils inventent et créent des alternatives de vie plus humaines et moins gourmandes en énergie. Ils sont au coin de la rue, voisins de galères souvent, mais forcément solidaires pour peu qu'ils se croisent et partagent leurs expériences. Eh bien, c'est le but du Carrefour des Résistances. Un rendez-vous mensuel proposé par l'association Rencontres Citoyennes, comme tu disais, sur les luttes et ses alternatives dans notre région. Nous nous retrouverons pour 30 minutes tous les premiers mercredis de chaque mois. Au sommaire aujourd'hui, Hugo nous lira un extrait d'une lettre de Marie-Laure Veillant, une gardoise qui vit en Grèce depuis 25 ans et qui dépeint remarquablement le climat social et politique de ce pays. Puis nous recevrons deux indignés de Nîmes qui sont déjà là, qui nous parleront de ce mouvement international, mais plus précisément de son action à l'échelon de la ville. Et enfin, et pour chaque émission, nous développerons l'agenda des luttes et alternatives dans la région grâce au site d'Hémosphère Gare Lozère. Voilà, je laisse à présent la parole à Hugo, apprenti comédien et stagiaire au Centre Social Rive, qui m'accompagnera dans la présentation de cette émission à chaque rendez-vous. Hugo, à toi. Exil du chaos, le 17 février 2013, par Marie-Laure Veillant. Nous avons pris la décision de partir. Voilà une décision qui procède d'un non-choix, d'une nécessité que je ne qualifierai pas d'absolue, pour la simple raison que je sais qu'on n'est ni en Afghanistan, ni à Smyrne de 1922. Non, ça aurait pu être un choix, mais c'est tout juste une décision. Décision d'exil, alors. Il nous reste un été ici. Nous serons en France pour la rentrée 2013. Nous laisserons derrière nous la maison de mon compagnon, Christo, la maison d'un autre exil qui date de 90 ans, celui des grands-parents de Christo, venus de Constantinople, en 1922. Nous laisserons des amis, Dina la rigolote, Angélique à la voix d'or. Nous laisserons le père de mes enfants, la mer où Christo allait pêcher si souvent sur les traces de son père pêcheur, les orangers, le grenadier, les citronniers, l'oncle Adonis, tout tordu, tout pauvre, tout vieux, toujours si digne et souriant, sauf ces jours-ci. Sa dame Anna s'en va à petit feu. Je laisserai la terre que j'ai aimée pour la première fois il y a 24 ans, fille au père d'un été que je croyais ne jamais quitter. Chaque jour qui passe, j'ai peine à croire ce qui arrive à cette Grèce-là. J'ai peine, grand peine. Nous sortons peu. Le temps a l'air d'avoir pris la couleur de la vie. Il pleut, sans arrêt, au point que le bois doit rester longtemps dans le poêle avant de s'embraser. Nous regardons distraitement les journaux télévisés. On connaît la rengaine. 2 dizaines d'impôts créés en 2012. Chômage, misère, enfants non vaccinés, facultés qui ferment, hôpitaux en panne de chauffage, de matériel, de première nécessité, compresses, instruments chirurgicaux, et de yaourts aussi. Néo-nazis au Parlement, grève, mobilisation décrétée dans 2 secteurs, marine marchande et transport en commun, sous le contrôle direct de l'armée. La folie rivalise au quotidien avec le ridicule, le trivial, le presque rigolo. Non, on n'y croit pas. Quand le secrétaire du ministère de l'économie annonce que le SMIC, 560 euros brut, est encore trop haut. Mon employeur, Union des coopératives agricoles, qui emploie 130 personnes à l'usine et dans les bureaux, ne s'est toujours pas acquitté des salaires de novembre du personnel administratif. Je fais partie de ce dernier, mais eu droit à un régime de faveur qui m'a permis de recevoir les salaires de novembre et décembre, sous forme d'avance sur salaire. C'est joli comme formule. Avance sur arriéré. J'étais allé faire remarquer que c'est ma seule source de revenus et que nous vivons à 4 de ces presque 800 euros par mois. Nous avons longtemps été les moins riches de tous ceux que je connais. Nous sommes désormais parmi les moins pauvres de ceux dont nous partageons le quotidien. Travail exclu. Il n'y a plus de syndicat des ouvrières à mon boulot. Il a été dissous, suite à des pressions exercées de façon ouverte sur l'intégralité des ouvrières, prises une à une. Ce mois-ci, le grand magasin Sprinder, grande chaîne humaine de vêtements, à bas prix, qui employait 15 personnes, a fermé. La deuxième boulangerie du quartier aussi. Pas résisté. Aiguillon, accueilli depuis plusieurs années, deux sections d'enseignement supérieur technique, optique et kiné. Au bord de la mer, dans un bâtiment industriel abandonné et rénové. Ces deux sections disparaîtront, comme une trentaine d'autres en Grèce, à partir de septembre. Les étudiants s'en iront. Les bars, le cinéma qui avait ouvert depuis peu, la salle de musique vont se vider un peu plus. Je voudrais qu'on me contredite. Mais les médicaments de traitement du sida ont été désinscrits de la liste des médicaments remboursables. Pour les traitements anti-cancer, cardio, contre la tension artérielle, et pour une foule d'autres, la question n'est plus tant qu'ils soient ou non remboursables. Il est de plus en plus difficile d'en dénicher. On crève de cette crise. Et pas ceux qui sautent d'un balcon ou se tirent une balle dans la tête. On se laisse aller, aussi, tout simplement. Je m'accroche à ce que j'aime. Et à la première sonate de Beethoven, aussi. Qu'il me pardonne. Je participerai du 1er au 3 mars à une rencontre organisée par l'aile rouge de Syriza sur la lutte contre le fascisme. En tant qu'interprète, ce qui nous paiera les billets de bus et une partie des frais de séjour à Athènes. Je vous conterai ce que j'aurais pu en retenir. Je sais désormais que cela pourra nous valoir des déboires plus ou moins importants. Les députés de l'Aube dorée soufflent sur les braises de la haine. L'un d'eux a déclaré hier « La prochaine fois que nous ferons une descente sur un marché pour contrôler les vendeurs étrangers, on ne fera pas que donner des coups de latte dans les étalages. Faut bien qu'on se fasse plaisir aussi. Il est hors de question qu'on laisse les citoyens grecs sans protection. Babacar Nidiaï est mort. Il y a 8 jours. Jeté sur les rails de la station Tessio à Athènes, par l'un des 10 agents de la police municipale qu'il avait pris en chasse parce qu'il vendait sur le trottoir des faux sacs Vuitton ou des parapluies chinois. Les paysans qui tentaient de bloquer symboliquement la route nationale ont été attaqués par les flics. Attaqués, non pas arrêtés. La violence institutionnelle s'installe chaque jour. Violence policière des brigades antiterrorisme qui rouent de coups les 4 jeunes qui se déclarent anarchistes, les défigurent et se donnent tout juste la peine d'un maquillage électronique pour masquer les pires traces de torture sur les visages tumifiés. Le message est clair. Tenez-vous tranquille. Ça pourrait arriver à tout le monde et à n'importe qui. Merci. Merci Hugo. Une lettre émouvante et éprouvante pour entamer aujourd'hui ce premier rendez-vous du Carrefour des Résistances consacré aux indignés, plus particulièrement les indignés de Nîmes. Bonjour Marlène, bonjour Michel. Bonjour Christian. Bonjour. Voilà, il faut préciser que Marlène, comme Michel, parle dans cette émission avec l'accord de l'Assemblée Générale des Indignés et non en leur nom, ils sont ni porte-parole ni leader. Que vous inspire ce témoignage de Marie-Laure ? Eh bien, je trouve que c'est très triste, mais malheureusement, ça fait un moment qu'on dit « nous serons tous grecs demain ». Et la preuve en est, le chômage augmente, tout va de pire en pire, même en France, dans l'Europe entière. Oui, c'est peut-être ce qui nous attend. C'est ton sentiment. J'en ai peur. Ouais. Ok. On a suivi les indignés espagnols sur la Puerta del Sol à Madrid en mai 2011. Quand sont nés les indignés de Nîmes ? Les indignés de Nîmes sont nés en fait le 26 mai. Suite justement à l'appel des Espagnols, donc nous nous sommes rassemblés à la Maison Carrée. Nous étions 150 personnes intéressées à savoir ce qui se passait en Espagne et nous avons lancé donc le mouvement à Nîmes. D'accord. Et vous avez fait une assemblée générale le premier jour. Comment s'est passée cette première journée en 2011 ? Oh, cette première journée, nous n'avons pas fait vraiment une assemblée dans le sens de réunion plein air, puisqu'il y avait vraiment trop de monde et on ne savait pas encore très bien comment s'organiser. Mmh. Et donc par la suite, vous êtes revenu tous les soirs sur la place que... Oui, nous sommes revenus tous les soirs jusqu'à fin octobre, jusqu'à ce que le temps ne le permettait plus en fait. Donc on se trouvait... Pardon. On se retrouvait tous les soirs pour être justement sur la place, pour que les gens puissent se joindre à nous, qu'on soit bien visible. Et donc, on s'assoit en rond, on a un ordre du jour, les gens peuvent parler chacun à tour de parole. Et nous prenons des décisions que par consensus, donc il n'y a pas question de vote, il faut bien qu'on s'entende tous. Voilà, les assemblées générales semblent, ne paraît importante de l'activité des indignés, en tout cas une méthodologie qui paraît originale par rapport aux autres, aux partis, aux... Nous pensons que c'est plus démocratique. Mmh. Ok. Et actuellement, vous vous réunissez sur quel mode ou sur quelle fréquence ? Ben, nous nous rassemblons encore deux fois par semaine. Une fois à l'instant T, puisque maintenant il fait un peu froid et humide souvent aussi. Sinon, le samedi à 13h, on se retrouve à la Maison Carrée, sur la place de la Maison Carrée. Ok, merci. On va se retrouver dans quelques minutes avec Michel et Marlène pour aborder peut-être l'impact des indignés en France. Après une musique de Abinash, auteur-compositeur indigné de Nîmes aussi, et qui nous a gentiment composé le jingle de l'émission... Vous pouvez l'écouter et télécharger ces trois albums sur le site Jamendo. Indigné de l'amour. Ah, beauté. Maintenant que ce sera, je n'ai plus l'air universel. À part jeter encore du papier à la poubelle. Ne voyons même plus le but d'un blanc. Mais essayons le monde avec les yeux d'un enfant. Ici parfois mamie bourre et crie après leur steak. Faut oublier qu'ils ont les glandes grosses comme des pastèques. Qu'ils creusent profond leur tombe avec les dents. Et tu souhaites ce que tu m'entends. Indigné n'est pas de l'amour qui nous appelle depuis toujours. Au-delà des sombres discours politiciens et de l'amour. Indigné n'est pas de l'amour qui nous appelle depuis toujours. Apprécions enfin les différences. Tiens, on a réouvert les camps de détention. C'est vrai que pour la rime, ça détourne l'attention. On a même tourné en féminin Hitler. Pour se mettre la tête dans les rues, ça va nous plaire. Pas besoin d'échelle de Richter pour calculer ce qu'est la misère. À vouloir suivre le lapin blanc, celui qui regarde sa montre tout le temps. Indigné n'est pas de l'amour qui nous appelle depuis toujours. Au-delà des sombres discours politiciens de les deux langues. Indigné n'est pas de l'amour qui nous appelle depuis toujours. Apprécions enfin les différences. Tout en beau atteint la juste et les distances. Carrefour des résistances. Nous avons aujourd'hui les indignés de Nîmes avec deux d'entre eux, Marlène et Michel. On a tous en tête la place de Madrid bondée d'indignés pendant un mois en 2011. Vous êtes les premiers à appeler à une démocratie réelle, à dénoncer la dette et à refuser de la payer. Mais aujourd'hui, alors que tous les indicateurs montrent que vous aviez raison, la mobilisation autour des indignés est-elle à la hauteur de vos attentes, Marlène? Non, pas vraiment. On voit bien que les gens ne sont pas prêts à se manifester dans la rue avec nous. Les gens sont en fait résignés. Je n'ai pas d'autre mot. Ils restent devant la télé. Il y a le problème aussi du tout sécuritaire, c'est-à-dire que les gens ont peur des uns des autres. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que quand on arrive à parler avec les gens, ils nous disent « vous avez bien raison ». Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Donc, je pense que si tout le monde dit ça tout le temps, on n'avancera jamais. Oui. il y a une certaine résignation, donc. Oui, très dommage. Gens, Michel, ton sentiment? Ben, c'est justement ce sentiment sur la résignation qui est le plus inquiétant. Ce qui est intéressant dans le mouvement des indignés, c'est le fait d'être dans un lieu public, pas dans un lieu clos, c'est d'être dans la rue, et d'être confronté aux réactions des autres, en faisant des rencontres, distribuant des tracts, etc. Et les gens, et quand je dis les gens, je le dis très gentiment, les personnes, beaucoup vous disent « Ah, bon courage !» Mais le courage, ça serait bien... qu'il soit partagé. Voilà. Ouais. Et, mais ça, l'intérêt du mouvement des indignés, c'est justement d'être dans l'espace public. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ce... Ouais. On l'appelait d'ailleurs le mouvement des places aussi, c'était une manière de distinguer en tout cas... De se rencontrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations de solitude, de précarité, qui n'ont pas accès à d'autres moyens d'expression. Et finalement, ça peut peut-être les aider. Ouais. La marche des indignés en 2011 avait peut-être un peu mobilisé jusqu'à Bruxelles... Il y avait eu du monde. Marlène, tu avais participé. Oui, tout à fait. Nous avons reçu la marche de Barcelone, qui partait de Barcelone, donc le 26 août 2011. Les gens, on les a retrouvés par la suite à Paris le 17 septembre et à Bruxelles le 15 octobre. C'est des gens donc qui étaient partis, mais vraiment à pied. Il y avait l'autre marche de Madrid, pareil, des gens qui sont déjà venus de plusieurs régions d'Espagne à pied à Madrid, pour ensuite repartir à pied jusqu'à Bruxelles, et même certains sont allés jusqu'à Athènes pour attirer l'attention, pour faire des assemblées dans les villages. Ça fait une trotte. Ça fait une trotte, et chapeau, vraiment ouais, chapeau. Oui, tout à fait. Vous occupez donc la place de la Maison Carrée depuis bientôt 2 ans. J'imagine que vous avez aussi des contacts avec les organisations politiques, associatives ou les collectifs de la ville. Quelles sont vos interactions avec eux? Est-ce que vous avez des actions communes? Nous avons des actions communes, c'est-à-dire que chaque indigné, en son propre nom à lui, peut pas mal, tout à fait faire partie d'un parti politique, d'une association. Les indignés eux-mêmes ne sont pas un parti politique et ne veulent pas l'être. Donc nous appelons peut-être un collectif ou un mouvement. Et sinon, évidemment, on partage les manifestations auxquelles on croit. Concrètement, quelle manifestation ou action vous avez participé dernièrement? Surtout Notre-Dame-des-Landes, qu'on soutient 100%, évidemment. Nous sommes montés plusieurs fois à Notre-Dame-des-Landes même, donc pour la grande manif, évidemment, du 17 novembre dernier. Puis sinon, qu'est-ce qu'on a fait comme action? Nous avons d'autres collectifs... auxquels on soutient, surtout dans les réunions, en fait. Okay. On essaye de partager nos points de vue. Ok. Michel? Tiens. Notre-Dame-des-Landes, effectivement, c'est un sujet fédérateur en ce moment. Et donc, sur l'idée de collectif, il est évident que les indignés ne sont pas... C'est un sujet fédérateur en ce moment parce que il réunit beaucoup d'intérêts différents et c'est très sensé comme projet. Mais il y a un projet effectif que soutient les indignés sur Nîmes très précisément, c'est la Maison du Peuple. Oui. Ouais. Oui. C'est un projet très difficile. Tu peux nous expliquer, ouais. Bon, la Maison du Peuple, c'est un lieu associatif qui permettrait à différentes personnes de pouvoir avoir accès à un local et ne pas se trouver isolés dans leur propre démarche. Il y a beaucoup de personnes qui sont, quand je dis pleines d'énergie, c'est une réalité, mais elles sont chaque fois dispersées. Donc ça fait partie d'un projet des indignés. Voilà. Pour répondre à ta question. C'est un projet intéressant, effectivement, mais j'imagine qu'il manque le local. On a certaines idées. Oui, mais d'accord. Bon. Ok. Bon, les minutes passent. Donc, une dernière question. Comment voyez-vous l'avenir du mouvement des indignés? localement et généralement. Ben, j'espère que les gens se réveilleront, forcément, avec l'austérité qui augmente et qui nous sert vraiment la gorge, même, on peut dire. Et j'espère surtout que les gens vont se tourner vers la solidarité plutôt que vers le retrait en eux-mêmes et donc s'enfermer complètement dans eux-mêmes. Ok, et merci Marlène, merci Michel. Merci à vous. Comme chaque mois, nous allons développer l'agenda des événements locaux grâce à Démosphère, un site web qui répertorie les événements des luttes et les actions locales. Le site, c'est http://gare.demosphere.eu. Bon, je vais essayer de présenter les événements du mois, en tout cas les plus importants. J'imagine qu'il ne reste peut-être pas trop de temps. Tous les premiers mercredis du mois à 19h, Café Repère de Nîmes au café Le 34, le Café Repère de Nîmes des Amis de la Bastille, j'y suis. Donc tous les mercredis, premiers mercredis du mois à 19h, 34 boulevard Gambetta à Nîmes. Le jeudi 7 mars 2013, donc demain à 18h à Vauvert, chantier ouvert, construction d'une éolienne. Au lieu dit Le Moulin des Prêtres, chemin des canaux, 115. Jeudi 7 mars 2013 à 18h au local d'APTI, 8 bis boulevard Sergent-Trière à Nîmes, mouvement citoyen de défense des Roms. Dans le département du Gard et notamment sur le village de Caissargues vivent des familles Roms en grand danger d'être expulsées, sans solution de réinstallation. Cette expulsion prévue pour mars menacerait la santé de ces personnes et l'effort de scolarisation des enfants. Donc jeudi 7 mars 2013 à 18h. Le samedi 9 mars, action sensibilisation droits des femmes sur le marché de la Grand Combe. Rendez-vous est donné à 9h30 au stand des femmes solidaires qui se situera à l'entrée du marché. L'action consistera en une présence sur le marché de quelques personnes portant des panneaux sur lesquels seront écrits des slogans percutants. Ne me libère pas, je m'en charge. Ni pute, ni soumise, ni mâle dominant, ni loser. Femme potiche, femme boniche, femme affiche, on en a plein les miches. N'attends pas le prince charmant, apprends à lire et deviens qui tu es. Mère, fêter une journée, exploiter toute l'année. Quand une femme dit non, c'est non. Samedi 9 mars à 13h30 à Paris, donc chaîne humaine pour l'arrêt du nucléaire civil et militaire, il y aura un départ à TGV d'Avignon. Alors, plus de précisions sur le site d'Hémosphère Gare Lozère. Vendredi 15 à partir de 16h30, rassemblement fête sans OGM. Ça se passe à Le Thor dans le Vaucluse. C'est le collectif des faucheurs volontaires Gare Lozère qui organise ça. Samedi 23 mars, 20h, cinéma Le Vergès, le cinéma de Vergès, projection débat Grand Puy et Petite Victoire, avec le réalisateur Olivier Azam et probablement un ouvrier de Grand Puy. Vendredi 22 mars 2013, cinéma Le Sémaphore, soirée racisme et nationalisme, avec la projection de Eau morte, un documentaire de Jean-Claude Gaudry avec Denis Lavant et Stefano Cassetti. Le débat avec Solange Fréminville, historienne, et Benoît Larbiou, politiste. Samedi 26 mars à 20h30, cinéma Le Sémaphore, à l'ombre de la République, un documentaire de Stéphane Mercurio. Une immersion aux côtés des contrôleurs des lieux de privation de liberté, au cœur des prisons, hôpitaux psychiatriques, commissariats. Beau documentaire qui rend visible l'invisible et invite chacun à la réflexion sur le sens et les limites de l'enfermement dans une société démocratique. Débat avec Laurent Mucchielli, sociologue au CNRS. Tout le mois de mars à Vauvert, printemps de l'éducation contre les discriminations et le racisme avec des expos, animations, files et rencontres, donc la radio et partie prenante. Jeudi 21 mars 2013 à 18h30, mairie de Saint-Geniez-de-Magloire, réunion publique et débat, sobriété, transition énergétique, le scénario Négawatt, animé par Simon Cossus, ingénieur à l'époque des mines d'Alès. Entrée gratuite. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je rappelle le local Carrefour des Résistances à Mus, qui est ouvert tous les vendredis à 19h, où il y a projection d'un film militant et ensuite un débat. Voilà, cette émission s'achève. Nous vous donnons rendez-vous dans le mercredi 3 avril à 19h30 sur le thème Rome, d'exclusion en expulsion, et après un thème d'actualité locale puisqu'un camp de Rome à Caissargues est menacé d'expulsion. Salut et on ne lâche rien. Historiquement, avec le blé, on fait le pain. Et tristement, avec le vin, on noie le chagrin. Et maintenant, c'est un hasard que j'argumente. Au-dessus du ciel, le soleil se lamente. C'est ce qui est appris, tu obéis. Face à ce mur qu'est le futur, je ne veux pas dire, ou même prédire, que ce casse-tête est un avenir. Mais malgré tout, un jeu d'échecs qui nous fait rire. C'est la messe du commerce, c'est la mort qui rôde. C'est la mienne, c'est la tienne, et moi je te slame mon ode. Je te slame mon ode. On est en rogne devant l'effet climatique. Les volcans grognent dans la nuit maléfique. Et ça détonne pour nos pôles magnétiques. On passe l'espace Mars et Pluton dans l'océan le plus profond. Toutes nos machines, tous nos robots, c'est le désastre sous le radeau. Cellule chimique, une bulle de fric, la vache qui est folle, c'est le pétrole, essence, lavage, plastique, ravage. Cynique, c'est chic, car à notre âge, on devient sage. Changer la donne dans ce monde vase de pique. Le glas sonne sur la voie à sens unique. Ma voix à sens unique. Faut changer la donne dans ce monde vase de pique. Sonne sur la voie à sens unique. Faut changer la donne dans ce monde vase de pique. Le glas sonne sur la voie à sens unique.